plus en plus occupé, puisque le marquis a rejoint la chaire vitrée. Les victimes se succèdent et apportent le surplus. Les riffs les obsèdent et Thanas a un flux tendu. Anatole met le duo face à la situation. Il a de plus en plus chaud, regrette les dimensions de sa chapelle maléfique. Règne le hardcore. Prétend que ses coups de trick se font un peu moins fort. La réponse l'est également. Agrandir la chair, tu essaies des pas du bâtiment. Les arpèges malsains, d'accord, les coups de batte, volontiers, mais pas les bétonnières, les truelles, ni le mortier. C'est la deuxième fois qu'il défie le squamat et ses injonctions. Anatole se carapate, il est là pour l'occasion. Il a saisi de plus à qui il a affaire. Se passer de ses gugus compromettrait son affaire. La première fois qu'il fut débouté, il désirait de la compagnie. L'USN s'était buté contre la vipère d'Orsini.